Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux mousquetaires, à l'occasion de l'exposition qui vient d'ouvrir au Musée de l'Armée à Paris. Et à eux consacrée, elle dure jusqu'au mois de juillet. Demain, nous vous parlerons de Porthos et de la bonne chère au XVIIe siècle avec Georges Vigarello et Florent Quellier. Mercredi, d'Aramis et de la vocation religieuse dans ce même siècle. Jeudi, de D'Artagnan et de l'homme d'armes qu'il était dans une balade à l'exposition Mousquetaires réalisée par Perrine Kervran et Renaud Dalmar. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien, aujourd'hui, c'est Athos dont nous allons parler grâce aux textes de Dumas qui seront lus pour nous chaque jour cette semaine par Daniel Königsberg. Athos ou le noble du XVIIe siècle, dans des textes qui seront commentés par Jean-Marie Constant. Il est professeur émérite à l'Université du Maine, ancien directeur de recherche en histoire et en anthropologie, ancien doyen de la faculté des lettres, aujourd'hui président de la Société d'études du XVIIe siècle, spécialiste de la société française et de la naissance de l'État à l'époque moderne. Et vous êtes auteur, entre autres, Jean-Marie Constant, de la vie quotidienne de la noblesse française au XVIe, XVIIe siècle, c'était Hachette, chez Hachette en 1985, La folle liberté des baroques chez Perrin, c'était en 2007, et Gaston d'Orléans, prince de la liberté, c'est chez Perrin l'année dernière. Nous aurons également avec nous depuis Bruxelles, depuis les studios de la RTBF, Christophe Van Rossum. Il est né en 1969, il enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles, à l'École de Recherche Graphique, à l'Université Libre de Bruxelles, et est conférencier, auteur de nombreux articles et également d'un petit livre qui s'intitule « Pour saluer le comte de l'affaire, la leçon d'Athos » paru chez William Blake et compagnie. Et pour commencer, eh bien, il nous faut commencer tout de suite par un texte, puisque Dumas sera au centre de cette série d'émissions, donc autour des mousquetaires. Dumas, donc, lu aujourd'hui par Daniel Königsberg. Athos, de son côté, avait un valet qu'il avait dressé à son service d'une façon toute particulière et que l'on appelait Grimaud. Il était fort silencieux, ce digne seigneur. Nous parlons d'Athos, bien entendu. Depuis 5 ou 6 ans qu'il vivait dans la plus profonde intimité avec ses compagnons Porthos et Aramis, ceux-ci se rappelaient l'avoir vu sourire souvent, mais jamais il ne l'avait entendu rire. Ses paroles étaient brèves et expressives, disant toujours ce qu'elles voulaient dire, rien de plus. Pas d'enjolivement, pas de broderie, pas d'arabesque. Sa conversation était un fait sans aucun épisode. Quoique Athos eut à peine 30 ans et fut d'une grande beauté de corps et d'esprit, personne ne lui connaissait de maîtresse. Jamais il ne parlait de femme. Seulement, il n'empêcha pas qu'on en parlât devant lui, quoiqu'il fût facile de voir que ce genre de conversation, auquel il ne se mêlait que par des mots amers et des aperçus misanthropiques, lui était parfaitement désagréable. Sa réserve, sa sauvagerie et son mutisme en faisaient presque un vieillard. Il avait donc, pour ne point déroger à ses habitudes, habitué Grimaud à lui obéir sur un simple geste ou sur un simple mouvement des lèvres. Il ne lui parlait que dans des circonstances suprêmes. Quelquefois, Grimaud, qui craignait son maître comme le feu, tout en ayant pour sa personne un grand attachement et pour son génie une grande vénération, croyait avoir parfaitement compris ce qu'il désirait, s'élançait pour exécuter l'ordre reçu et faisait précisément le contraire. Alors Athos haussait les épaules et, sans se mettre en colère, rossait Grimaud. Ces jours-là, il parlait un peu. Bonjour Jean-Marie Constant. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous serons rejoints dans quelques minutes par Christophe Van Rossum, qui sera avec nous en duplex depuis les studios de la RTBF à Bruxelles. Mais déjà, sachez que nous sommes très attendus. Attendus au tournant, pourrait-on dire, parce que nous avons annoncé donc ce week-end à nos auditeurs sur les réseaux sociaux, comme on le dit, cette série d'émissions sur les mousquetaires. Et je crois que rarement nous avons eu autant de réponses, parce qu'évidemment, ces mousquetaires renvoient à des souvenirs d'enfance, à des lectures ou à des films vus lorsqu'on était enfant. Et forcément, cela met un poids supplémentaire à notre discussion. Une discussion qui n'est pas simple, puisque c'est une discussion entre littérature et histoire, fiction et histoire. Vous me disiez avant cette émission avoir relu, pour cette série d'émissions, avoir relu les Trois Mousquetaires, et tout compte fait, en tant qu'historien du XVIIe siècle, ne pas vous être trop emporté contre le talent, le génie de Dumas. Non, non seulement je ne me suis pas du tout emporté, mais j'ai trouvé un grand plaisir à relire ça, parce que j'avais lu ça comme tout le monde quand on est jeune. Et dans le fond, évidemment, il y a des petites choses, il y a des détails qui sont faux, il y a des interprétations qui sont plus celles d'aujourd'hui, bien sûr. Mais dans l'ensemble, je trouve que Alexandre Dumas a admirablement compris l'esprit des gens de l'époque, l'esprit de la noblesse, l'esprit de ses mousquetaires, et rendu très bien les dialogues avec Richelieu, les rapports compliqués entre Richelieu et Louis XIII, etc. Je trouve qu'il a très bien compris tout cela, et c'est extraordinaire de sa part, parce qu'à l'époque où il a écrit, l'histoire avait quand même pas fait encore beaucoup de progrès. Il a été assez premiers balbutiements. Hein. Oui, et puis il se fondait sur des propos apocryphes, voilà, sur des fausses mémoires de D'Artagnan, écrites par un autre. Et au bout du compte, on pourrait se dire, en se fondant sur Couty de Sandras, qui est un polygraphe qui avait inventé la plupart de ses mémoires, au bout de compte, il aurait pu se tromper. En fait, non, il avait une bonne documentation. En fait, il a quand même aussi beaucoup utilisé, je crois, les mémoires du temps. La plupart ont été publiées à Amsterdam au cours du début du 18e ou à la fin du 17e. Et donc, de ce fait, il a beaucoup synthétisé tout ça et il a très bien compris les périodes, je crois. Alors, si nous en venons au personnage central de cette émission, puisque nous avons décidé, sachant que les Trois Mousquetaires étaient quatre, bien évidemment, de découper cette série d'émissions en quatre, consacrant chacune des émissions du jour à un personnage. Si nous commençons par le premier, dans l'ordre que l'on a généralement en tête, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Si nous commençons par Athos, nous nous sommes dit, avec Perrine Kervran qui a préparé cette série d'émissions avec nous, nous nous sommes dit qu'il était peut-être utile de s'attacher avec Athos à un certain type de noblesse. Vous avez travaillé sur cette noblesse au XVIe et au XVIIe siècle. Ouais. Et donc, vous pouvez peut-être nous dire, par exemple, de ce que vient de lire Daniel Königsberg, ce qu'il y a de vrai dans cette façon de se comporter par rapport à son domestique qui s'appelait Grimaud, d'être à la fois impérieux, mais en même temps avare de mots, et de ne pas s'emporter contre la personne qui est à son service. Je crois que c'est assez juste. C'est un type, peut-être que ça ne correspond pas à tous les types de nobles, bien sûr, les rapports sont différents, mais dans l'ensemble, au XVIIe siècle, ce n'est pas très étonnant. Ça m'a beaucoup amusé parce qu'il raconte ça avec beaucoup d'humour. Mais en réalité, je crois que ça correspondait assez bien à ça, c'est-à-dire au dévouement de ses laquais, des gens qui travaillent avec eux, qui sont de leur maison, etc. Et puis en même temps, le fait que qui aime bien châtie bien, et donc de ce fait, ils étaient cognés assez souvent, d'une certaine façon. Et puis alors, dans le type d'Athos, il y a aussi autre chose. Dumas n'insiste pas beaucoup là-dessus, mais c'est la grande époque du retour au stoïcisme. Et Athos est un peu le prototype. Alors Dumas n'insiste pas trop là-dessus, mais à travers les traits, on voit cela. Et ça, les philosophes qui travaillent sur le XVIIe siècle, comme les historiens, ont mis en valeur cet aspect du stoïcisme qui joue un rôle capital à l'époque. Et Athos est un peu le prototype de ça. Ça se traduit comment dans ce XVIIe siècle, ce retour au stoïcisme ? On le voit par exemple, là, à un moment, je me souviens plus à quel moment, il cite Caton. Et donc, on voit très bien, par exemple, il y a un personnage qui a laissé des mémoires qui s'appelle le comte de Montrésor. Qui était la maison de Gaston d'Orléans, qui était un conspirateur né, qui montait des conspirations. Comme Gaston d'Orléans. Oui, mais en dehors de Gaston d'Orléans, qui après ne se reconnaissait pas dans ce que Montrésor avait monté. Et de ce fait, il était le type même, on disait qu'il avait la mine de Caton, etc. Et il était comme ça, toujours sombre, toujours assez... avec une vie assez compliquée, très compliquée, puisqu'il vivait au Louvre, plutôt aux Tuileries, et alors il communiquait avec l'appartement de Mademoiselle de Guise, qui était le dernier descendant, en quelque sorte, qui sera le dernier descendant des Guises, et il communiquait par la volière, en quelque sorte. Donc c'était une relation compliquée, elle c'était une précieuse, donc il ne semble pas que ce soit une relation sexuelle, si on peut dire, mais une relation très amicale, et une relation intellectuelle, et c'est un petit peu le type d'Athos un petit peu qu'on retrouve. Mais ce n'est pas exactement ça, mais on retrouve un peu de ça. Alors, Athos aussi, ce sont ces nobles qui s'engagent au service des armes, en l'occurrence, des nobles du sud-ouest. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que cette brigade qui est composée de tous ces Gascons, alors Gascons, évidemment, au sens large du terme, ce sont tous les gens du sud-ouest, en l'occurrence, qui viennent au service du roi, c'est quelque chose qui correspond à la noblesse que vous avez croisée dans vos travaux? Ça correspond à la réalité, même statistiquement. Quand j'avais fait des études pour savoir l'engagement des nobles sur le plan militaire, au moment des guerres de religion, au début du XVIIe siècle, je m'étais aperçu que les deux régions qui donnaient le plus de militaires, c'était le sud-ouest et puis l'Orléanais très large, c'est-à-dire avec tout le centre-ouest d'une certaine façon. C'est là où il y avait énormément de gens qui entraient dans la noblesse. Donc le type même, le fait d'avoir choisi quelqu'un du sud-ouest, ça correspond bien à la réalité nobiliaire. Et pourquoi donc ce sud-ouest envoyait-il ses fils de famille combattre soit dans les mousquetaires, soit dans d'autres corps donc, de l'armée du roi? Mais je crois que ça tient au fait qu'il y a eu des grands militaires dans le sud-ouest. D'abord, il y a eu Henri IV hein, qui venait de cette région-là. Donc, toutes ces fidélités qui venaient de ce sud-ouest ont suivi. Il y a eu aussi Épernon, il y a eu des tas de gens, il y a eu des grands seigneurs, et puis les clientèles de tous ces gens-là. Et donc, de ce fait, on le voit bien quand D'Artagnan vient voir M. Tréville, c'est exactement ça. Hein. Mm-hmm. C'est le jeu des clientèles et des amitiés qui jouent. Alors, on va y venir avec vous, mais peut-être on va demander tout de suite à Daniel Königsberg de nous lire le deuxième texte en rapport, tiré des Trois Mousquetaires, en rapport avec cette figure d'Athos. Daniel. L'air noble et distingué d'Athos, ces éclairs de grandeur qui jaillissaient de temps en temps de l'ombre où il se tenait volontairement enfermé, cette inaltérable égalité d'humeur qui en faisait le plus facile compagnon de la terre, cette gaieté forcée et mordante, cette bravoure qu'on eût appelée aveugle, si elle n'eût été le résultat du plus rare sang-froid, tant de qualités attiraient plus que l'estime, plus que l'amitié de D'Artagnan. Elle attirait son admiration. En effet, considéré même auprès de M. de Tréville, l'élégant et noble courtisan, Athos, dans ses jours de belle humeur, pouvait soutenir avantageusement la comparaison. Il était de taille moyenne, mais cette taille était si admirablement prise et si bien proportionnée que plus d'une fois, dans ses luttes avec Porthos, il avait fait plier le géant dont la force physique était devenue proverbiale parmi les mousquetaires. Sa tête, aux yeux perçants, au nez droit, au menton dessiné comme celui de Brutus, avait un caractère indéfinissable de grandeur et de grâce. Ses mains, dont il ne prenait aucun soin, faisaient le désespoir d'Aramis, qui cultivait les siennes à grand renfort de pâte d'amande et d'huile parfumée. Le son de sa voix était pénétrant et mélodieux, tout à la fois. Et puis, ce qu'il y avait d'indéfinissable dans Athos, qui se faisait toujours obscur et petit, c'était cette science délicate du monde et des usages de la brillante société, cette habitude de bonne maison qui perçait comme à son insu dans ses moindres actions. Comme tous les grands seigneurs de cette époque, il montait à cheval et faisait des armes dans la perfection. Il y a plus. Son éducation avait été si peu négligée, même sous le rapport des études scolastiques, si rare à cette époque chez les gentilshommes, qu'il souriait aux bribes de latin que détachait Aramis et qu'avait l'air de comprendre Porthos. Deux ou trois fois même, au grand étonnement de ses amis, il lui était arrivé, lorsqu'Aramis laissait échapper quelque erreur de rudiment, de remettre un verbe à son temps et un nom à son cas. En outre, sa probité était inattaquable. Dans ce siècle où les hommes de guerre transigeaient si facilement avec leur religion et leur conscience, les amants avec la délicatesse rigoureuse de nos jours et les pauvres avec le septième commandement de Dieu. Voilà donc un portrait plus précis encore. Nous avançons dans le portrait d'Athos, dans cette série consacrée aux mousquetaires, donc dans la fabrique de l'histoire, avec vous, Jean-Marie Constant, en attendant que Christophe Van Rossum puisse nous rejoindre depuis Bruxelles. Alors, si on avance, on voit ce personnage comme étant un personnage probe, qui, dans un siècle, explique Dumas, où les hommes de guerre transigeaient si facilement avec leur religion et leur conscience. Et là, on a l'impression que Dumas, on va faire de... vous a lu, c'est-à-dire qu'il vous a compris, c'est ce que vous expliquez, effectivement, combien les alliances... Vous dites à un moment, en particulier dans la noblesse française au XVIe, XVIIe siècle, que les hommes comptent plus que les idées dans ces années-là. Absolument. C'est-à-dire qu'on vient d'une période très troublée, les guerres de religion, que l'on a suivi des hommes et que, parfois, on a suivi aussi les renversements de ces hommes. Et le principal, c'est évidemment le cas d'Henri IV, tous les nobles protestants qui vont d'un seul coup changer de religion changé de religion. Absolument. Oui, ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, évidemment, on a un peu de mal à comprendre ça, parce qu'évidemment, les idées l'emportent souvent sur le plan politique. Mais à l'époque, au XVIIe siècle, souvent, c'est la relation personnelle. Et les relations de l'amitié, c'est quelque chose de très important. On retrouve ça dans tous les mémoires du temps, le fait qu'on est amis, particulier amis intimes, etc. Et il y a même des textes assez drôles qui m'avaient toujours beaucoup amusé. Par exemple, à un certain moment, on dit, Lachâtre dans ses mémoires explique, « De puissantes considérations m'appelaient, presque tous mes amis s'y trouvaient embarqués. » Et il va faire la cabale des importants en 1643 à cause de ça. Par exemple, à un autre moment, il dit « J'avais beaucoup d'alliances et de liaisons d'amitié qui me pouvaient être suspectes. » Donc évidemment, le fait d'être ami avec quelqu'un a été suspecté par les cardinaux. Ou La Rochefoucauld qui dit « Pour mon malheur, j'étais de leurs amis. » Donc, vous voyez, le fait d'être ami, c'est la relation politique essentielle. Oui, parce que vous dites, en l'occurrence, Jean-Marie Constant, que l'amitié, on en hérite. Oui. Mais aussi, on hérite des inimitiés. Voilà. C'est-à-dire qu'on est à la fois l'héritier de son père ou de sa lignée et qu'à partir de ce moment-là, les inimitiés de sa lignée ou les amitiés de sa lignée, on est obligé de s'y conférer. Absolument. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec D'Artagnan. Lorsqu'il va voir M. de Tréville, il monte avec une lettre de recommandation. Il n'a plus cette lettre de recommandation qui lui a été volée à main par Rochefort. Mais néanmoins, il a cette idée qu'avec cette lettre de recommandation, il va pouvoir entrer aux mousquetaires puisque M. de Tréville en est le chef. Absolument. Ça, c'est tout à fait classique et on voit très bien quand on suit, pendant les guerres de religion, par exemple, les différents clans, le clan d'Henri de Navarre, c'est-à-dire le clan des protestants, on voit très bien qu'il n'y a pas que la religion protestante qui joue dans la Constitution, il y a aussi un certain nombre de catholiques du Sud-Ouest qui le suivent parce que, justement, il fait partie de la clientèle ou des relations d'amitié, parce que l'amitié, c'est plus fort que la clientèle, quand même. La clientèle, c'est un rapport particulier, mais l'amitié, il y a un rapport d'affection en plus qui joue. Est-ce que vous pouvez nous distinguer justement amitié et clientèle dans ce oui, parce que début du XVIIe siècle ? La clientèle, c'est souvent un échange, c'est-à-dire qu'on se donne en quelque sorte à quelqu'un, et puis ce quelqu'un vous apporte un certain nombre de choses. Alors dans l'amitié aussi, mais dans l'amitié, il y a en plus une relation beaucoup plus approfondie, beaucoup plus affective, qui fait qu'on ne lâche pas facilement un maître ou un patron, parce que dans le fond, il y a une relation affective très forte en général. Alors on sait par exemple combien au Moyen-Âge, le don des larmes était une vertu. Est-ce que, par exemple, dans cette amitié peut aller jusqu'aux larmes qu'on a connues au Moyen-Âge quelquefois et qu'on connaîtra ensuite avec Rousseau, avec la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire aller jusqu'à cet emportement très proche où on peut pleurer ensemble et pleurer ensemble montre son amitié, en l'occurrence. C'est absolument. Je crois que c'est tout à fait typique. D'ailleurs, on pleure énormément dans la première moitié du XVIIe siècle. Richelieu pleure au moment de la journée des dupes. Tout le monde pleure, d'ailleurs. Il n'y a que Louis XIII qui est impassible et qui lui a du mal à s'exprimer et est très, très réservé. Mais c'est assez drôle. Et à toutes ces époques-là, oui, effectivement, il y a ça. C'est clair et net. Alors, néanmoins, il y a les amis, et il y a la trahison des amis. Ça peut arriver également. Ça arrive, oui. Et alors, ça se passe comment, cette faire une infidélité à un ami? C'est quoi, par exemple? Mais ça, c'est assez rude. Hein, c'est assez rude. On le voit, par exemple, au moment de l'affaire Henri IV, l'affaire Biron, par exemple. Hein, Biron, qui était un des proches, famille catholique, d'ailleurs, qui était proche d'Henri IV. Et donc, à ce moment-là, eh bien, la trahison de Biron va se traduire par son exécution, sa condamnation à mort et son exécution. Et alors que toute la province de Périgord est vent debout pour essayer de le sauver, et beaucoup de gens, mais Henri IV sera intransigeant parce qu'il voudrait qu'il reconnaisse ses torts. Et comme il ne veut pas reconnaître ses torts, eh bien, il sera condamné à mort et exécuté. S'il avait reconnu ses torts, il n'aurait peut-être pas été exécuté. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, donc lu par Daniel Königsberg des Trois Mousquetaires, on entend parler de ce monsieur de Tréville. Et ce monsieur de Tréville, il a véritablement existé. Comme d'ailleurs les personnages des Trois Mousquetaires, même s'ils ont été transformés considérablement par Dumas. Mais en l'occurrence, lui, il a véritablement existé. Et prenons cet exemple pour nous rappeler ce qu'est un noble du Sud-Ouest qui monte à Paris et qui finit par devenir quoi? Le troisième ou quatrième personnage de l'État sous Louis XIII? Peut-être pas le troisième ou quatrième personnage de l'État, mais quelqu'un d'important dans la maison militaire, de toute façon, de Louis XIII. Et je crois que ça, c'est très important. Alors, ça tient, dans le fond, d'abord les relations d'amitié, mais aussi les qualités. C'est très important. Les gens font carrière à cause de leurs qualités personnelles. On le voit très bien, par exemple, avec des grands personnages comme Richelieu, Mazarin, qui sont considérés comme... Bon, ils n'appartiennent pas à la grande noblesse, etc. Mais grâce à leur qualité personnelle, ils vont réussir à s'imposer. Ce que vous nous dites, c'est que c'est une société qui est plus mobile que ce qu'on pourrait imaginer. Beaucoup plus mobile qu'on peut l'imaginer. Comment, alors, le cas de Tréville est particulier. C'est le fils d'un riche marchand, je crois, de Laurent-Sainte-Marie. Oui, c'est ça. Mais sa mère, elle, est issue d'une lignée qui était très proche de Jeanne d'Albret, en l'occurrence. Et comment tout cela fait-il qu'au bout du compte, il va devenir capitaine des mousquetaires, ce qui est un poste de confiance auprès de Louis XIII? Très important, oui. C'est-à-dire que, dans le fond, à partir d'un certain moment, il est engagé à cause des relations personnelles qu'il peut avoir. Et puis, s'il a des qualités extraordinaires, sur le plan personnel, sur le plan militaire surtout, eh bien, très rapidement, il monte. Il monte dans les hiérarchies militaires et il devient... Parce qu'il faut bien reconnaître que Louis XIII, qui était un homme qui était bègue, qui était réservé, qui avait, etc., qui n'était pas flambant comme son frère Gaston d'Orléans, mais ni Henri IV, son père, mais en fait, il avait cette qualité que c'était un grand militaire, il avait des idées stratégiques très importantes, il attachait beaucoup d'importance à ça, et il savait juger les gens à leur qualité militaire. Pas oublier, par exemple, que c'est lui qui a choisi Condé pour aller à Rocroi. Mm-hmm. Bon, il n'a pas vu la suite puisqu'il est mort avant, mais c'est lui qui l'a choisi. Il avait compris que ce jeune homme, si jeune, avait des qualités et il ne s'est pas trompé. Alors, Monsieur de Tréville a des qualités, Monsieur de Troisville au départ, oui, puisque c'est son nom Sud-Ouest, qui se transforme en Monsieur de Tréville. Et il entre chez les mousquetaires après avoir été page du roi à 14 ans. Et puis, il devient sous-lieutenant des mousquetaires. Il devient capitaine des mousquetaires en 1634, ce qui fait d'ailleurs une différence par rapport au roman de Dumas, puisque je crois que le roman de Dumas se passe 9 ans plus tôt que l'occurrence. Mais vous dites que tout de même, Tréville ne serait pas arrivé là où il est arrivé s'il n'avait pas eu le capital de relations qui tenait justement à sa mère, en l'occurrence, donc, qui était dans l'entourage de Jeanne d'Albret. Au départ, c'est tout à fait nécessaire. Au départ, évidemment, pour être remarqué, il faut être recommandé d'abord par Jeanne d'Albret. Là, il n'y a aucun problème. Hein, c'est que tout de suite, on monte très vite. Mais ensuite, si on n'a pas les qualités nécessaires, est écarté. On n'est pas mis dans un placard comme aujourd'hui, mais en fait, on est écarté, si vous voulez. Alors, troisième texte qui nous est lu par Daniel Königsberg aujourd'hui, toujours autour de la personnalité d'Athos. C'était donc un homme fort extraordinaire qu'Athos nous dit justement Alexandre Dumas. Et cependant, on voyait cette nature si distinguée, cette créature si belle, cette essence si fine, tournée insensiblement vers la vie matérielle comme les vieillards tournent vers l'imbécilité physique et morale. Athos, dans ses heures de privation, et ses heures étaient fréquentes, s'éteignait dans toute sa partie lumineuse et son côté brillant disparaissait comme dans une profonde nuit. Alors le demi-dieu évanoui, il restait à peine un homme, la tête basse, l'œil terne, la parole lourde et pénible. Athos regardait pendant de longues heures soit sa bouteille et son verre, soit Grimaud qui, habitué à lui obéir par signes, lisait dans le regard atone de son maître, jusqu'à sa moindre désir, qu'il satisfaisait aussitôt. La réunion des quatre amis avait-elle lieu dans un de ces moments-là ? Un mot, échappé avec un violent effort, était tout le contingent qu'Athos fournissait à la conversation. En échange, Athos, à lui seul, buvait comme quatre. Et cela, sans qu'il y parût autrement que par un froncement de sourcils, plus indiqué et par une tristesse plus profonde. Jamais Athos ne recevait de lettres, jamais Athos ne faisait aucune démarche qui ne fût connue de tous ses amis. On ne pouvait dire que ce fût le vin qui lui donna cette tristesse, car au contraire, il ne buvait que pour combattre cette tristesse, que ce remède, comme nous l'avons dit, rendait plus sombre encore. On ne pouvait attribuer cet excès d'humeur noire au jeu, car au contraire de Porthos, qui accompagnait de ses chants et de ses jurons toutes les variations de la chance, Athos, lorsqu'il avait gagné, demeurait aussi impassible que lorsqu'il avait perdu. On l'avait vu au cercle des mousquetaires gagner un soir 3000 pistoles, les perdre jusqu'au ceinturon brodé d'or des jours de gala, regagner tout cela plus 100 louis sans que son beau sourcil noir eût haussé ou baissé d'une demi-ligne, sans que ses mains eussent perdu leur nuance nacrée, sans que sa conversation, qui était agréable ce soir-là, eût cessé d'être calme et agréable. Ce n'était pas non plus, comme chez nos voisins les Anglais, une influence atmosphérique qui assombrissait son visage, car cette tristesse devenait plus intense en général vers les beaux jours de l'année. Juin et juillet étaient les mois terribles d'Athos. Pour le présent, il n'avait pas de chagrin. Il haussait les épaules quand on lui parlait de l'avenir. Son secret était donc dans le passé. Comme on l'avait dit vaguement à D'Artagnan, cette teinte mystérieuse répandue sur toute sa personne rendait encore plus intéressant l'homme dont jamais les yeux ni la bouche, dans l'ivresse la plus complète, n'avaient rien révélé, quelle que fût l'adresse des questions dirigées contre lui. Il s'attache pas beaucoup. Jean-Marie Constant, donc on vient d'entendre cet extrait des Trois Mousquetaires autour d'Athos et d'une personnalité qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on avance dans le texte de Dumas, une personnalité qui d'un seul coup se fait sombre et pas simplement brillante. On l'a connu brillant alors qu'il accepte le duel avec D'Artagnan au tout début du roman, alors que lui-même est profondément blessé et qu'on croit presque qu'il est à l'article de la mort. Mais là, il est sombre, mélancolique. Cette mélancolie est-elle présente dans les textes que vous trouvez autour de cette noblesse du début du XVIIe siècle? Est-ce que vous la ressentez ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus proche de ce que Dumas pourrait vouloir faire dire à ces gens-là? C'est-à-dire qu'il y a une dimension de mélancolie dans le baroque, parce qu'il y a quand même des rapports souvent entre le baroque et le romantisme, il y a un certain nombre de rapports et de choses communes, mais dans l'ensemble quand même, c'est pas toujours le cas. C'est relativement rare. Je crois que ça, c'est plutôt, à mon avis, un caractère un peu romanesque pour le personnage d'Athos, de la part d'Alexandre Dumas. Parce qu'évidemment, il y a une blessure intime qu'on découvrira au fur et à mesure du roman. Il faut bien l'amener peu à peu, ça c'est le roman qui fait la technique du roman. Mais dans l'ensemble, c'est pas tellement le cas. Au contraire, les gens sont plutôt joyeux. Et dans le fond, on voit très bien, on parlait tout à l'heure des qualités professionnelles, du mérite en quelque sorte. On le voit bien avec D'Artagnan. D'Artagnan, au départ, il arrive, on dit on va faire ses preuves. Très vite, Il atteint de la gloire avec les duels, avec etc. Il se fait remarquer et très vite, il monte très vite pour, à la fin du roman, arriver à avoir un poste très important. De maréchal. On voit très bien, oui, oui, oui. Et de mourir maréchal, voilà, en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas du véritable D'Artagnan. Oui. Mais y a une dimension aussi, outre la dimension mélancolique et la tristesse profonde d'Athos, il y a aussi dans cet extrait du texte de Dumas quelque chose autour de l'argent. Voilà des gens qui sont un peu des aventuriers. Oui. Est-ce que être militaire, noble et militaire à la maison du roi, en l'occurrence et mousquetaire, dans ce début de XVIIe siècle, c'est épouser une cause qui peut être une bonne cause, évidemment servir le roi, mais aussi une cause qui va vous rapporter en l'occurrence? Pas tellement, parce qu'ils reçoivent des pensions du roi, ils reçoivent un certain nombre de choses, mais d'abord c'est payé de façon extrêmement régulière, parce que le trésor public est toujours endetté, toujours des problèmes. Déjà à cette époque-là. Mais dans le fond, c'est pas le problème. Les nobles ne sont pas intéressés par l'argent. Et on voit d'ailleurs à un moment, ils manquent d'argent tous, et donc ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est la gloire, c'est la recherche de la gloire. L'honneur et la gloire, c'est ça le ressort essentiel. Et l'argent, dans le fond, on le voit bien quand ils jouent, puisqu'ils jouent même leur ceinture, ils jouent jusqu'au bout, ils jouent même à un moment le cheval de D'Artagnan, etc. Bon, on voit très bien que tout cela, mais le jeu joue un rôle extrêmement important. On joue beaucoup d'argent, même si on n'en a pas, on joue. Ça fait partie de leurs activités. On sait bien que l'honneur, évidemment, ce terme est un terme générique qui, selon les périodes, ne recouvre pas les mêmes choses. Qu'est-ce que ça recouvre que cet honneur sous Louis XIII, Jean-Marie Constant ? Eh bien, d'abord, il y a une sorte d'orgueil, en quelque sorte, qui est une première dimension. Et puis le fait aussi d'acquérir un certain nombre de mérites sur le plan militaire ou sur le plan du duel, de ne pas il y a par exemple des tas d'anecdotes qui font que quelqu'un qui se laisserait aller à ne pas répondre à un duel est discrédité pour la vie. Il y a des textes absolument épouvantables là-dessus. Et donc, il faut absolument répondre dans ces cas-là. Même si le duel est interdit. Même si le duel est interdit. Il faut se débrouiller pour le faire. Et donc, il y a en même temps... C'est ce qui explique peut-être un peu l'aspect mélancolique des choses, c'est qu'il y a une espèce de fascination pour la mort. À cette époque-là, dans le fond, la liberté, c'est de braver la mort. Et donc, se battre en duel ou aller à la guerre, c'est véritablement être noble et rechercher une certaine forme de gloire. Car, si vous voulez, le grand problème de l'époque, c'est que le noble ne veut pas mourir dans son lit. Il veut mourir à la guerre ou mourir en duel. Ça, c'est la vraie mort héroïque, normale. C'est pour ça donc, que le noble s'engage dans ses armées, où il y a évidemment le risque plus grand de mourir. Oui. Et que vous dites que le service aux armées, c'est la carrière la plus enviée par les jeunes nobles en particulier. C'est la carrière la plus enviée par les jeunes nobles. Donc, entrer dans ce qui serait une sorte de prémisse de l'administration royale, c'est moins prestigieux. Oui, que tout dans... à fait. C'est même très méprisé. Ça, ils n'ont pas du tout envie d'y entrer. Ça ne les intéresse pas du tout. C'est la gloire militaire qui les intéresse d'abord, et donc ils sont très attachés à ça, la recherche de la gloire, en même temps avec un goût du spectacle. Ils se mettent toujours en spectacle. Bon, les duels peuvent pas toujours être le cas, mais si vous prenez Bouteville qui se bat pour la 27e fois, c'est son dernier duel, puisqu'après il sera exécuté, condamné à mort exécuté, mais il le fait pratiquement au vu de tout le monde sur la place royale, pas tout à fait sous les fenêtres de Louis XIII, mais quasiment. C'est-à-dire que dans le fond, il y a un aspect provocateur, il y a un aspect spectacle, mise en scène, qui est assez extraordinaire. Et on le retrouve dans les Trois Mousquetaires. Quand Athos va condamner Milady, il y a une mise en spectacle absolument extraordinaire. Alors, et puis il y aura effectivement d'autres mises en spectacle dans les romans qui suivent, que ce soit 20 ans après ou le Vicomte de Bragelonne. Mais si on s'intéresse à ces jeunes nobles qui entrent au service du roi, donc, ou qui entrent dans l'armée, les prémices de ce qui est l'armée à l'époque, comment se reconnaissent-ils? Vous nous avez expliqué les clientèles. On n'a pas évidemment de papier d'identité à l'époque. On monte à Paris. Sur quelle foi se reconnaît-on? Comment sait-on qu'il n'y a pas d'imposture, qu'il n'y a pas quelqu'un qui usurpe l'identité d'un autre? Est-ce que cette société des égaux, puisqu'il dans cette noblesse, il y a cette volonté d'être entre égaux, fonctionne si bien que cela, Jean-Marie Constant ? Ben, je crois que les nobles se connaissent quand même dans l'ensemble. Hein. Il y a une reconnaissance des choses et les gens... Il n'y a pas besoin de montrer son identité, il suffit d'être recommandé comme quelqu'un, comme D'Artagnan l'a été pour M. de Tréville. Mmh. Il y a des relations personnelles, et celui qui n'a pas de relations personnelles, finalement, ben, il reste en rade. Regardez Gouberville au XVIe siècle, il a failli s'engager un moment, mais il ne s'est pas engagé, il n'avait pas les relations nécessaires pour monter, il est resté le gentilhomme campagnard du Cotentin toute sa vie. Et il y a donc une sorte d'hospitalité nobiliaire pour celui qui vient de loin et qui, recommandé d'une façon ou d'une autre, peut trouver à Paris ou ailleurs l'accueil d'une maison noble de ses amis ou des amis des amis. Absolument. Alors là, l'hospitalité noble, c'est vraiment une qualité et c'est une vertu. On la pratique tout le temps. Et d'ailleurs, c'est commun. Quand on voyage, bon, on va dans les auberges, évidemment. Mais si on peut aller dans une maison noble qui vous est recommandée, c'est beaucoup mieux. Ou même aller dans une maison quand on n'est pas recommandé, on est toujours accueilli. Et donc, on saute comme cela, lorsqu'on fait un trajet, de maison noble en maison noble, où on est accueilli. Et donc, j'imagine que dans une logique du don et du contre-don, on doit faire la même chose lorsque quelqu'un vient dans sa propre maison noble. Ça fait partie de la culture noble, tout à fait. C'est très important. Alors, Daniel Königsberg, vous allez nous lire le quatrième extrait autour de d'Athos que nous avons choisi aujourd'hui, un extrait qui n'est pas tiré des Trois Mousquetaires cette fois-ci, mais qui a été tiré de 20 ans après, une sorte de vision un peu désabusée du royaume de France à l'époque. Tout est pauvre et mesquin en France en ce moment. Nous avons un roi de 10 ans, qui ne sait pas encore ce qu'il veut. Nous avons une reine qu'une passion tardive rend aveugle. Nous avons un ministre qui régit la France comme il le ferait d'une vaste ferme, c'est-à-dire en ne se préoccupant que de ce qu'il peut y pousser d'or en la labourant avec l'intrigue et l'astuce italienne. Nous avons des princes qui font de l'opposition personnelle et égoïste, qui n'arriveront à rien qu'à tirer des mains de Mazarin quelques lingots d'or, quelques bribes de puissance. Je les ai servis, non par enthousiasme. Dieu sait que je les estime à ce qu'ils valent et qu'ils ne sont pas bien hauts dans mon estime, mais par principe. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, je rencontre sur ma route une haute infortune, une infortune royale, une infortune européenne. Je m'y attache. Si nous parvenons à sauver le roi, ce sera beau. Si nous mourons pour lui, ce sera grand. Voilà, un extrait de 20 ans après, le roi qu'ils essayent de sauver, c'est évidemment Charles Ier, donc ça n'est pas le roi de France, c'est le roi d'Angleterre menacé par la Révolution et par Cromwell, en l'occurrence. Ce qui est fort intéressant, c'est qu'on voit dans ce texte de Dumas, alors c'est une des questions qu'on aurait pu poser à Christophe Van Rossum, je ne sais si nous parviendrons à le joindre d'ici la fin de cette émission, puisqu'il avait mis ce texte dans son petit « Pour saluer le comte de l'affaire », la leçon d'Athos. C'est aussi on se demande si Dumas parle de son époque, c'est-à-dire s'il parle de Louis-Philippe ou s'il parle de l'époque de Louis XIV, donc jeune roi entouré de princes qui ont une opposition égoïste, écrit-il. En tous les cas, il décrit une France qui change de nature. Est-ce que vous sentez, vous, en tant qu'historien, Jean-Marie Constant, qu'entre ce royaume de Louis XIII et d'Henri IV, mettons, de la fin du XVIe, du début du XVIIe siècle, et le royaume du milieu de la Fronde et du milieu de ce XVIIe siècle et la fin du XVIIe siècle, il y a quelque chose qui est en train de changer, en particulier dans ces classes nobles qui se sont engagées dans l'armée? Oui, ça c'est certain qu'après la mort de Louis XIII, la période de la Régence, ça constitue une espèce de crise, de difficulté. Parce que, si vous voulez, il y avait un caractère sacré de la monarchie. Le roi est sacré, il est le représentant de Dieu, d'une certaine façon. Donc, il a une autorité très naturelle qui fait que les gens ne contestent jamais le roi. Dans les révoltes des croquants et autres, on crie « Vive le roi, bas la gabelle !» On ne comprend pas que pour eux, il n'y a pas de rapport entre la gabelle et le roi. Et donc, le roi, il est jamais contesté. Tandis que là, le roi est un enfant, il ne règne pas, on a une reine espagnole, on a un ministre italien, on n'a qu'un seul prince qui leur paraît légitime, c'est Gaston d'Orléans. Mais Gaston d'Orléans, il a un rôle quand même assez secondaire. Il est lieutenant général du royaume. Il joue un rôle plus important qu'on l'a cru. C'est un peu tard pour lui. C'est un peu tard pour lui. Parce qu'il aurait préféré arriver au pouvoir un peu plus tôt. Voilà, bien sûr. Et donc, c'est tout à fait compliqué comme affaire. Et ça explique un peu qu'ils sont complètement désappointés de ce fait. Parce que ça explique que les clans s'en donnent à cœur joie. Et que, dans le fond, il y a une instabilité qui s'installe à cause de cette période. Mais vous avez travaillé sur le XVIe et sur le XVIIIe siècle. Oui. On oublie effectivement la proximité de ce premier XVIIe siècle avec les guerres de religion, par exemple. Le sang appelle le temps de sécher, en l'occurrence, oui, de ces guerres de religion, que déjà la monarchie, dont on dit qu'elle est en train de s'absolutiser, cette monarchie essaye justement de devenir plus forte et de mettre sous le boisseau les prétentions, en particulier de tous ces princes qui se sont beaucoup bagarrés pendant les guerres de religion, Jean-Marie Constant. Oui, de toute façon, les gens de cette époque-là ont le souvenir très clair des guerres de religion. Retz, par exemple, dans ses mémoires, le souligne tout le temps. Il rêve de jouer le rôle qu'ont pu jouer les gens de la Ligue pour mobiliser les curés de la Ligue, etc. Il pense rejouer, en quelque sorte, les scènes de la Ligue à travers la Fronde, par exemple. C'est clair et net. Donc, il y a ce souvenir-là est très fort. Il a été éclipsé par l'époque de Louis XIII et de Richelieu, parce que c'est une époque quand même assez redoutable et assez tenue. Mais il faut bien voir aussi qu'il y a un clivage qui s'est constitué, à mon avis, à l'époque de Marie de Médicis, où Marie de Médicis voulait régler les problèmes européens par la négociation, notamment avec l'Espagne. Et ça, c'est une profonde rupture. 1617, le coup d'État de Louis XIII, c'est une rupture par rapport à cette politique de Marie de Médicis qui voulait un accommodement européen et une négociation avec l'Espagne. Et alors que Louis XIII, au contraire, était dans la tradition nobiliaire et héroïque de la guerre contre l'ennemi héréditaire qui était l'Espagne. Et pourtant, on sent bien chez ces mousquetaires et la façon dont Dumas les fait évoluer tout au long de ce long XVIIe siècle, on sent bien que cette noblesse, cette jeune noblesse dont Athos fait partie, mais aussi les autres jeunes nobles qui sont autour de lui, a une dimension au-delà de ce qu'on pourrait appeler les frontières, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la clôture nationale, c'est-à-dire qu'on peut très bien passer ce qu'on appelle le Channel aujourd'hui, aller tenter de sauver le roi Charles Ier, revenir, les Buckingham et les Milady sont sur le territoire alors que beaucoup d'Anglais n'ont plus le droit de citer sur le territoire français à ce moment-là. On sent quelque chose d'une circulation plus importante que ce qu'on connaîtra peut-être plus tard. Absolument. La noblesse, elle se sent très internationale. Dans le fond. Et dans le fond, les gens vont faire la croisade contre les Turcs en Hongrie pendant quelques années. Ils voyagent énormément, ils vont à Vienne, ils vont même en Espagne relativement facilement. Il y a, dans le fond, ce qui compte, c'est pas tellement l'idée de nation, c'est plus l'idée, peut-être que les parlementaires sont plus attachés à l'idée de nation que la noblesse. La noblesse, dans le fond, ce qui compte, c'est la relation personnelle, les amitiés qui jouent, et ça, sur le plan international, il n'y a aucun problème pour eux. Ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, on voit très bien que Condé et les Guises, par exemple, ont conclu des relations avec l'Espagne sans problème. Condé le fera aussi. Ils sont des puissances princières ils se considèrent un peu comme s'ils étaient détenteurs de principautés capables de négocier sur le plan international. Et donc les nobles les suivent dans ce domaine-là. Ils sont comme eux. Et pas simplement pour des alliances qui peuvent être des alliances princières ou des alliances royales et qui donc doivent, dans ces cas-là, permettre à deux maisons de s'allier, mais même à des plus bas niveaux de la noblesse, absolument, en l'occurrence. Absolument, ça c'est sûr qu'il y a là quelque chose qui est très différent de ce qui pourra être au XIXe siècle, par exemple. Encore que là, aussi, la noblesse est là des relations internationales, des alliances internationales. Oui. Et alors, si on avance dans ce XVIIe siècle, c'est-à-dire si on ne reste pas calé sur ce siècle de Louis XIII, ce demi-siècle de Louis XIII, mais si on va sur le premier demi-siècle, pourrait-on dire, de Louis XIV, la deuxième moitié du XVIIe siècle, il y a quelque chose de profondément changé, justement, dans le rapport. On a souvent parlé, effectivement, après la Fronde, la mise au pas de la noblesse française, donc par Louis XIV. Qu'est-ce qu'on peut en dire, justement, et en particulier, comment ce personnage d'Athos, s'il avait survécu, pas simplement dans le roman de Dumas, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il serait devenu dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle par rapport à ce qu'il était avec cette liberté que vous nous décrivez des nobles du premier XVIIe siècle ? Mais je crois que, d'abord, au cours du XVIIe siècle, Louis XIV n'a quand même pas eu la brutalité de gouvernement qu'a pu avoir Louis XIII et Richelieu. C'est quand même assez rude. Hein, les textes de La Rochefoucauld nous montrent que le sang coule, que c'est l'horreur, etc. Par rapport à la régence... C'est curieux. Comment expliquez-vous que, dans la mémoire, on ait conservé un Louis XIV plus dur vis-à-vis de sa noblesse qu'il la domestique en créant Versailles en particulier, alors que Louis XIII, vous dites, il est beaucoup plus violent. Beaucoup plus brutal. Louis XIV, en réalité, il a compris les leçons de la Fronde. Il s'est entouré de collaborateurs compétents, les Colbert, les Louvois, etc., qui ont admirable... C'est une autre génération, en plus. Les Bourbons, ils ont plus compris, oui, ils ont tout à fait compris les choses. Et de ce fait, si vous voulez, la domestication de la noblesse, à mon avis, c'est un peu surfait comme idée. En réalité, il y a plusieurs choses. Il y a eu les enquêtes de noblesse. On a supprimé la noblesse de gens qui avaient usurpé. Donc, les enquêtes de noblesse ont fait en sorte que ça a fait très peur aux gens. Ça a été une façon de domestiquer. Il y a l'armée qui s'est beaucoup réformée avec le Tellier et Louvois, avec une discipline dans l'armée qu'il n'y avait pas dans les périodes précédentes. Et ça, la discipline militaire, on le sait, ça permet de sacraliser un petit peu les choses. Et puis, il y a la cour pour la grande noblesse aussi. Mais Louis XIV n'a pas eu des méthodes très coercitives comme a pu le faire Louis XIII ou Richelieu. Donnez-nous un exemple des méthodes coercitives de Louis XIII. Par exemple, le fait que Bouteville ait été exécuté à la suite de son duel, le fait qu'au Montmorency, qui était quand même la très grande dernière famille des Montmorency, il a été exécuté aussi, alors qu'il y a eu toute une fronde quasiment de la noblesse, ou au moins une demande de la noblesse qu'on lui fasse grâce. Et Louis XIII a été très, très intransigeant là-dessus. Pour Bouteville, par exemple, même Richelieu a dit que peut-être Bouteville, il pourrait devenir un grand chef militaire et qu'on pourrait peut-être l'épargner. Et d'ailleurs, on sait que son fils deviendra le maréchal de Luxembourg, le fameux tapissier de Notre-Dame. Et alors, arrêtons-nous un instant sur ce duo Louis XIII-Richelieu, puisque vous semblez dire qu'effectivement, ce sont des polarités, mais qu'en même temps, ils s'entendent mieux qu'on pourrait le penser. En tout cas, que Dumas ne le raconte. En le cas. Qu'est-ce qui se passe dans ce duo de pouvoir? Comment cela joue-t-il, justement? Et comment, peut-être, les nobles qui sont en dessous tentent-ils de jouer l'un et l'autre, l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, selon les périodes du royaume de Louis XIII. J'ai l'impression quand même que là, Alexandre Dumas a un petit peu exagéré, si vous voulez. L'opposition entre Louis XIII et Richelieu, bon, il y a peut-être eu des petits problèmes de temps en temps, c'est pas sûr que l'entente ait toujours été terrible, mais dans l'ensemble, quand même, Richelieu considère qu'il est au service de Louis XIII et il suit, même s'il n'est pas d'accord. Donc il suit, d'ailleurs, il a eu un itinéraire compliqué puisqu'il était proche de Marie de Médicis, partisan de la paix, proche du parti dévot, et que dans le fond, au service de Louis XIII, il change complètement. Et je suis sûr que si Louis XIII était mort et que Gaston d'Orléans aurait régné, il aurait changé complètement de politique également. Je crois qu'il avait, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant, mais en même temps extrêmement ambitieux pour son lignage, pour sa famille, etc. Donc Louis XIII, Richelieu, c'est l'instrument de Louis XIII par excellence. Je crois qu'il faut bien voir ça. Il a mis sa démission, il a donné sa démission plusieurs fois et Louis XIII l'a toujours refusé. Et lorsque dans l'affaire Saint-Marc et de Thou, par exemple, Saint-Marc voudrait bien remplacer Richelieu, il essaie de l'obtenir de Louis XIII. Louis XIII dit qu'il est trop jeune, qu'il ne pourra pas, que Richelieu c'est essentiel, que même si ça lui pose des problèmes de cohabiter avec Richelieu, il a confiance dans Richelieu qui représente vraiment une politique à laquelle il est très attaché. Et c'est une fin de non-recevoir. Et c'est pourquoi, dans le fond, il acceptera que Saint-Marc et de Thou soient exécutés. Oui, ça veut dire aussi, Jean-Marie Constant, que espérer, enfin, que lorsqu'on est roi, on veut avoir autour de soi quelqu'un sur qui on puisse compter. Et c'est ce qu'espère Louis XIII de Richelieu, c'est-à-dire quelqu'un, un homme de confiance. Vous expliquiez combien les liens de confiance étaient importants dans la noblesse de l'époque, mais là, en l'occurrence, c'est ce que veut... Moi, j'ai beaucoup étudié l'opposition à Richelieu, et notamment l'opposition, les gens qui défendent la liberté contre la tyrannie de Richelieu, etc. Mais il faut reconnaître, quand on analyse les textes, que Richelieu est quelqu'un d'extrêmement brillant, un des hommes politiques sans doute les plus intelligents de son époque, des plus cultivés, des plus mécènes, il a énormément de qualités, et ça Louis XIII l'a reconnu. Et il parlait bien, le pauvre Louis XIII qui bégayait, qui ne pouvait pas dire un mot dans son conseil, tout le monde causait, personne ne s'occupait de ce qu'il disait. Quand Richelieu prenait la parole, c'était le silence, et Richelieu avait l'intelligence de comprendre, de devancer la pensée de Louis XIII, et Louis XIII était émerveillé. Alors, on a beaucoup insisté depuis le début de cette émission sur l'honneur, sur l'amitié, sur la fidélité, le don de sa personne. Est-ce que ces valeurs vont perdurer au-delà de la période de Louis XIII ou est-ce qu'elles vont commencer à s'émousser dans le second XVIIe siècle? Je crois que, évidemment, on n'a pas le même sentiment parce que, dans le fond, les gens sont moins libres. La noblesse, dans le fond, comme vous l'avez dit, est plus encadrée, plus muselée, plus disciplinée. Et de ce fait, elle est, on ne voit pas les gens de la même façon, agir de la même façon que dans la première moitié du XVIIe siècle. On a des mémoires qui nous montre que, dans le fond, on n'est pas très loin de l'esprit du temps des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Évidemment, après, sous l'époque de Louis XIV, c'est totalement différent. Les gens n'ont pas les mêmes réactions, ne se permettraient pas les mêmes choses, les mêmes libertés, etc. Quand Athos discute avec Richelieu, c'est assez extraordinaire. Quand il lui jette à la tête que, dans le fond, c'est ni Marion de Lorme, ni sa nièce... Bon, on sait qu'il y a des rumeurs qui circulent à propos de Richelieu, et Richelieu, là, ne dit plus rien. C'est-à-dire que, dans le fond, là, un petit noble du Sud-Ouest peut se permettre d'apostropher comme cela le Premier ministre de Louis XIII sans qu'il y ait une sanction possible. Alors qu'à l'époque de Louis XIV, c'est pas sûr. C'est pas sûr que là, ils auraient pu lui donner les choses comme ça. Ça dépendait des moments, mais je crois que les gens faisaient très attention, ce ne serait pas permis de telles choses. Vous voulez donc nous dire, Jean-Marie Constant, que si on veut bien comprendre le XVIIe siècle, il faut non seulement vous lire, il faut lire aussi le petit livre de Christophe Van Rossum que nous n'avons pas pu joindre malheureusement tout au long de cette émission, pour saluer le Comte de la Fère aux éditions William Blake, il faut aller voir l'exposition Mousquetaire, mais il faut aussi lire Dumas. Ah, je crois que Dumas est très important. D'abord, il y a énormément de vocations d'historiens qui sont venus à la suite de gens qui ont lu Alexandre Dumas. C'est sûr que le roman historique peut permettre, dans ce cas-là, quand il est brillant comme celui d'Alexandre Dumas, ça peut permettre des vocations d'historiens. Et surtout, on se dit, voilà quelqu'un qui n'avait peut-être pas la documentation que nous avons aujourd'hui, mais qui, néanmoins, arrive à retranscrire. Voilà, je crois que c'était dans l'esprit de l'époque aussi, quand on lit les choses sur Mérimée. C'est assez extraordinaire, c'est la même chose. Mérimée avait compris un certain nombre de choses de cette époque. Alors, on peut vous lire, évidemment, avec « La vie quotidienne de la noblesse française au XVIe et XVIIe siècle », c'est chez Hachette. « La folle liberté des baroques », en particulier, c'est chez Perrin, 1661, exactement la période qui nous intéresse. Et puis, tout récemment, « Gaston d'Orléans », on aurait pu en parler plus, de ce prince de la liberté, paru également chez Perrin, c'était l'année dernière. Merci à vous, Jean-Marie Constant, d'avoir joué le jeu de l'historien commentant des textes littéraires, mais des textes littéraires d'une qualité particulière, on peut bien le dire. Merci c'est encore. Moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et demain, nous parlerons de Porthos, toujours avec Daniel Koenigsberg qui sera là pour nous lire des textes autour de cette figure de Porthos. Porthos ou le bon vivant, avec deux historiens qui ont travaillé sur ces bons vivants du XVIIe siècle, que ce soit Florent Quellier ou encore Georges Vigarello. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marseille, Emmanuel Morsnacan était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site www.franceculture.fr.